France Culture, première nuit spéciale Chesterton. Nuit spéciale commencée en compagnie de François Rivière, auteur d'une biographie consacrée à l'auteur du nommé jeudi, Le Divin Chesterton, publié aux éditions Rivage et poursuivi à l'écoute de ce fameux nommé jeudi. Feuilleton 10 épisodes dont nous avons pu entendre déjà 4 épisodes. Le cinquième vous sera proposé en fin de nuit. Et bien les suivants, les 5 derniers, et bien la semaine prochaine. Mais qui dit nuit spéciale dit aussi éclairage varié sur l'œuvre de l'auteur en vedette, d'où l'émission Le Livre de Chevet, consacré à Ce qui cloche dans le monde, lecture par François Billédoux, puis Une aventure du père Brown, Les trois instruments de la mort, puis Une vie, une œuvre, La vie et l'œuvre de Gilbert Kate Chesterton, on s'en doute, puis Saint François d'Assise, Le jongleur de Dieu. Mais pour ces fameux éclairages, la parole de lecteur avisé, de traducteur, d'écrivain n'est pas sans intérêt, d'où votre présence, Louis Seabra. Bonsoir, Louis Seabra. Bonsoir, Philippe Carmet. Alors, d'où la présence, plus tard dans la nuit, de Thierry Beauchamp, qui a traduit la pièce de Chesterton, Magie. Louis Seabra, vous êtes pianiste, compositeur, et vous avez publié 2 romans. Le premier, c'était F, la lettre F, en 2014, et le dernier, S, paru cette semaine aux éditions Rivage, comme le précédent. Alors, comment à la fois dire ce qu'est ce roman, S, et le rattacher à l'œuvre de Chesterton? Parce que, bien sûr, il y a une phrase en exergue, une phrase signée Chesterton, extraite du Club des métiers bizarres, mais enfin, c'est pas suffisant pour faire le lien entre une œuvre, la vôtre, et une autre œuvre, celle de Chesterton. Alors, il faut rattacher aussi peut-être au nommé jeudi, mais rattacher sans aucunement déflorer le sujet et l'histoire. Ce serait vraiment criminel de votre part, ça mériterait l'enfermement que vous décriviez si bien. Avec des tortures, même. Voilà, avec des tortures. Quand je dis si bien, c'est si atrocement dans votre livre. Alors, comment vous avez découvert Chesterton, Louis Seabra? Alors, j'ai découvert Chesterton relativement tôt, dans l'adolescence, mais uniquement le versant essayistique de son œuvre. Un recueil qui s'appelait Hérétique, que j'ai découvert à peu près vers mes 17-18 ans. Mais je n'avais pas du tout l'idée que c'était de la profondeur et de l'étendue de sa pensée littéraire, qui m'a été donnée grâce à la lecture de Borges, parce que Borges est ma grande source d'inspiration. Et il se trouve que en lisant Borges, on est à chaque fois, enfin dans toute son œuvre, dès l'histoire universelle de l'infamie, on est tout de suite interpellé par sa relation à Chesterton. Certains contes reprennent des titres proches de Chesterton. Les essais, même la forme essayistique telle que conçoit Borges est proche de la forme de Chesterton. Alors j'ai voulu vraiment, du coup, il y a 8 ans, j'avais pas encore écrit, j'étais seulement compositeur. Et en fait, la découverte de Chesterton m'a poussé vraiment littéralement à l'aventure romanesque. Chesterton est un de ces classiques que toute personne un peu cultivée connaît, mais qui est relativement peu lu dans son intégralité, et qui a un peu pâti de son image de polémiste catholique. Hein. Alors qu'en définitive, les questions qu'il aborde sont des questions qui sont fondamentales dans le développement de la littérature du XXe siècle. Et je dis que pour moi, les deux grands rameaux de Chesterton sont Kafka et Borges. Il a écrit Kafka avant Kafka. Il a écrit Kafka avant Kafka et il a écrit Borges avant Borges. C'est-à-dire quand même les deux grands. Il est quand même relativement dans l'ombre par rapport à l'immensité de son œuvre. C'est-à-dire qu'il a quand même, écrit 100 d'ouvrages. C'est-à-dire que c'est une œuvre prolifique. Alors vous dites, Louis Seabra, oui, que vous avez découvert Hérétique, enfin les essais. Oui. Et puis il y a aussi Orthodoxie. Bien avant Orthodoxie. Voilà, oui. La chose, pourquoi je suis catholique. Alors oui. Ces 3 titres sont réédités chez Climat Flammarion. Donc on peut vraiment lire l'essai Chesterton. Le Chesterton qui nous intéresse, mais c'est tous les Chesterton romancier. Nous intéressent au cours de ces 2 nuits, c'est le Chesterton, en tout cas c'est le romancier, le nommé jeudi. Mais je comprends bien qu'alors c'est l'adolescent qui découvre Chesterton et qui découvre justement pourquoi je suis catholique, la chose, et puis les textes Orthodoxie et Hérétique. Finalement, c'était les textes qui étaient le plus, comment dire, connus, en fait, en réalité, pour un adolescent. En tout cas, c'était ceux qui, bon, dans un programme quand même un petit peu scolaire à l'époque, c'était un peu l'image qu'on avait de Chesterton qui était véhiculée, bon, les fameux Big Four de l'époque du début du XXe siècle avec H.G. Wells, Bernard Shaw et Hilaire Belloc, il en faisait partie. parce qu'il est à contre-courant. Ce qui est très intéressant chez Chesterton, c'est que il rattache l'Angleterre à la latinité. D'abord, quand on lit l'œuvre en anglais, on se rend compte à quel point la langue est latine, à quel point il choisit les vocables romains, latins, et à quel point, d'une certaine manière, il rattache les racines de l'Angleterre, qui finalement a été anglicane très tard, au XVIe, XVIIe siècle, à une tradition catholique, une tradition romaine, une tradition française, parce que c'est un des rares comme exemple de francophile, et qui en plus englobe Chaucer, Rabelais, dans un même mouvement, qui est issu du Moyen-Âge finalement. Et c'est très intéressant parce que c'est très hétérodoxe finalement, lui qui parle d'orthodoxie. En fait, c'est un hétérodoxe profondément. Alors vous, Louis Abras, en tout cas, c'est pas l'essayiste qui l'essayiste, oui, a dû vous influencer, mais quand même, vous avez écrit deux romans, alors deux, oui, romans d'enfermement, de prisonnier, oui, d'étrangeté, de folie, oui, aussi, oui, parce qu'il faut parler aussi du Poète et les Fous. De Le Poète et les Fous, bien, voilà, sûr. Ouais. Le premier roman que j'ai lu, c'est Le Nommé Jeudi, effectivement, où il y a des choses qui m'ont inspiré immédiatement comme romancier. C'est-à-dire cette idée du paradoxe de la position de toute forme de thèse métaphysique. Dans le jeudi, on a le poète de l'ordre et le poète de l'anarchie, Syme et Gabriel, qui se font face. Et l'un et l'autre, finalement, dans une sorte de jeu permanent, dans un renversement permanent, finissent par adopter le point de vue de l'autre, et à le mimer, le caricaturer, le déformer. On trouve ça aussi dans La Sphère et la Croix, hein, avec John Turnbull et Mike Ayan. On trouve plein d'exemples comme ça, de mise en... D'opposition, enfin de... D'opposition, mais qui sont des oppositions qui ne se résolvent pas. Alors même, ce qui est étonnant, c'est que Chesterton n'est pas un sceptique. Il ne met pas en opposition des thèses pour ne pas prendre parti. Il est clairement du côté de l'idée, de l'idéalisme, ou du côté du catholicisme, ou du côté de l'homme de l'ordre, on pourrait dire, parce qu'il parle aussi beaucoup de la poésie du bon sens. Mais ce qui est très étonnant, c'est que malgré cette position, il ne prend pas parti. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la technique même de son récit. Et en fait, je fais la même chose, bon, on peut en parler après, je fais la même chose dans mon récit, c'est-à-dire que dans mon livre, finalement, il y a quelque chose qui ressemble à l'idée de Chesterton, d'opposer deux points de vue, bon, même si c'est fait de façon totalement beaucoup plus hermétique, hein, qui sont celui du point de vue de l'esprit et le point de vue de la lettre. Alors, chez Chesterton, c'est le point de vue de l'ordre, le point de vue de l'anarchie, dans Le Nommé Jeudi. De manière générale, c'est souvent le point de vue du symbole et de ce qu'il représente. Parce qu'il définit la folie, par exemple, comme le fait qu'on s'attache plus au symbole qu'à ce qu'il représente. Or, moi, dans S, j'ai voulu, dans mon univers littéraire, j'ai voulu développer cette idée que la folie actuelle, une espèce de folie froide actuelle, qui est la folie de la modernité, et la folie de la lettre par rapport à ce qu'elle représente. Alors, j'ai repensé la symbole par la lettre, hein. Mais ça revient un peu au même, finalement. C'est le monde de la convention, de la lettre, de la littéralité, contre le monde de l'esprit et de l'idée, hein. Et donc, d'une certaine manière, je rejoins un peu ce geste-là, parce que moi, je crois profondément à l'idée et à l'esprit. Oui, mais vous avez une intrigue également, Louis C. Abrad, et Chesterton a toujours une intrigue, oui, que ce soit dans ses nouvelles, dans les romans. Oui. Donc, la vôtre, dans S, c'est quoi cette intrigue? C'est une intrigue comme une initiation. À quoi? Une initiation à... Alors, quoi? À la folie ou... C'est très étonnant. Oui, c'est très important, ça, parce que l'intrigue chez Chesterton a toujours quelque chose qui va au-delà de l'intrigue. C'est-à-dire que ce n'est pas un cadre juste pour éventuellement trouver un plaisir déterminé à lire un roman policier. C'est quelque chose qui révèle. Il y a une révélation même dans L'Enquête du Père Brown. Il y a toujours une dimension théologique. L'Enquête du Père Brown, c'est un roman policier, mais c'est aussi une inspection théologique. Oui, des nouvelles, en tout cas. Oui. Des nouvelles policières. Oui, ce sont des nouvelles policières. Oui, bien sûr, des nouvelles. Enfin, c'est une fresque policière. Mais je veux dire, il y a toujours une dimension théologique, une dimension métaphysique, bon, au sens large du terme. Et j'ai voulu, je suis très attaché à la construction et à l'intrigue. Mais à l'intrigue, pas seulement en tant que, comment dire, pas seulement dans sa forme, mais dans sa dimension de révélation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, par exemple, qu'on lit un roman, quand il y a un coup de théâtre, une révélation, ça nous fait passer à un niveau de connaissance supérieure, comme une sorte de gnose. Enfin, on n'est pas juste techniquement informé que les choses changent dans l'intrigue, bon, dans l'histoire, mais on a un accès à une vérité différente. Alors, dans S, par exemple, quand on apprend à la fin que le fameux S, qui a donné le nom au livre, est en fait un être qui a la capacité d'exister à la fois sur le plan du réel et à la fois sur le plan du rêve, quand on apprend cela, effectivement, on comprend totalement autrement le livre. C'est-à-dire qu'on a accès à un univers qui est celui d'une surréalité, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a, pour renvoyer à cette citation-là que j'ai prise de Chesterton, il y a une étrangeté fondamentale de la réalité qu'on n'arrive même pas à sonder. Alors on va dire la phrase en question, ouais. La citer. La vérité doit forcément être plus étrange que la fiction, car la fiction n'est qu'une création de l'esprit humain et par conséquent est à sa mesure. C'est une phrase qui est extraite du Club des métiers bizarres. Alors une fois qu'on a dit ça, de toute façon, voilà, une phrase en exergue, ça permet de dire aussi, alors, de laisser entendre tout et n'importe quoi, que la réalité. Alors dans le Club des métiers bizarres, un livre qui m'a beaucoup inspiré, parce qu'il y a cette idée cette idée du un club de l'aventure et de l'imprévu. Alors, qu'est-ce qu'ils imaginent dans ce club? Qu'effectivement, dans la vie des gens, on va faire intervenir de l'aventure et de l'imprévu. Vous participez, n'est-ce pas? Vous êtes un membre, vous payez, et puis un jour, on va frapper à votre porte, et puis l'imprévu va arriver sous des formes diverses. On va vous prendre dans un bus, puis vous allez faire le tour de Londres. Bref, bon. Alors, moi, ça m'a directement inspiré pour, en fait, le ministère des lectures et des publications, sous une forme bureaucratique totalement différente, c'est-à-dire cette idée que alors, il dit dans le Club des métiers bizarres, aujourd'hui, on veut s'évader, on a besoin de livres. Bon, on a besoin de livres, alors que, finalement, ce club de l'aventure et de l'imprévu offre autre chose que ça. Il offre vraiment une aventure. Et moi, j'ai voulu renverser la chose en disant, finalement, le ministère des lectures et des publications fait exactement le contraire, c'est-à-dire que il anticipe sur les vies des individus et il leur façonne à travers des récits des vies à la mesure de ce que à mesure du programme dicté par les autorités, puisque finalement ces individus, parce qu'il y a quand même un élément dans mon anticipation, j'imagine quand même un monde où les individus ne font que reproduire des textes qui ont été écrits sur leur vie avant même qu'ils les vivent. Il se trouve que, pour moi, c'est une métaphore de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Les gens pensent vivre des vies et ils lisent souvent des textes. Hein. Ils sont souvent pris dans une machinerie linguistique verbale qui les écrase et dans laquelle, finalement, la part de leur vie est très faible et ils lisent des textes. Bon, quand ils sont otages de la publicité ou de la télévision, je ne sais quoi d'autre. Bon, là, j'ai poussé le truc à l'extrême, hein, sous le mode de l'allégorie, en disant que finalement, en imaginant un monde où les vies comptent moins que ce qu'on en dit, et que elles sont prises, elles sont emprisonnées dans les récits qui ont été faits à leur égard. Et cette fatalité, si vous voulez, du monde moderne, hein, déjà, Chesterton en parlait. Hein, quand il parle beaucoup de la spécialisation, de la fonctionnalisation, du fait que on est dans un monde où il y a une séparation entre l'imagination et la représentation sociale. Et c'est quelque chose vis-à-vis, qui donne envie, en définitive, d'écrire. Quoi. C'est-à-dire, chez Chesterton, donne envie d'imaginer une autre voie qui ne serait pas celle de la reproduction de la réalité, par le naturalisme, sous différentes formes, ou une sorte de formalisme totalement étroit, mais quelque chose qui serait de l'ordre du visionnaire, de la vision, avec une dimension de fantaisie, de liberté, quoi. Parce que pas de liberté. Sans liberté, il n'y a pas de vie. Quoi. Oui, enfin, alors, il n'y a peut-être pas de vie sans liberté, mais enfin, vos personnages, en tout cas votre personnage principal, et puis tous les personnages de votre roman, Louis et Abra sont enfermés, si j'ai bien compris, quand même. Ou s'enferment même. Ils s'enferment de même. Ils sont à la fois directeurs de la prison et prisonniers. Ouais, ils sont. Parce qu'en fait, c'est finalement. J'ai voulu décrire précisément ce contre quoi Chesterton s'élevait, bon, d'une façon avec évidemment dans un univers complètement différent, si vous voulez, cette espèce de folie froide de la fonction dans laquelle la modernité est emprisonnée et qui là est exprimée de façon, bon, de façon allégorique, de façon une fable, hein. Mais la prison est une, ces personnages-là sont des fonctionnements. D'abord, je me suis beaucoup inspiré d'une idée de Chesterton au sujet de la fable. Il dit la fable ne doit comporter aucun élément. La fable, par définition, n'est pas humaine. Il parle d'Ésope. Parce qu'elle renvoie à des instincts premiers, antérieurs à l'humanité, à des représentations qui échappent à l'homme, qui sont de l'ordre de la transcendance. Donc c'est pour ça qu'on emploie les animaux. Et moi, j'ai essayé de faire une fable avec des hommes. Mais, et justement, en reprenant cette idée de Chesterton, j'ai fait des hommes qui n'ont pas d'intériorité. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui n'ont pas de psychologie, qui n'ont pas d'intériorité, qui sont des trajectoires, qui sont des destins. Ils ont des noms qui sont complètement délirants, Zoul, Lins, et puis Aloïs, ce sont des trajectoires. Des trajectoires jetées comme ça dans la vie, jetées là, et qui sont interchangeables. C'est-à-dire que Zoul, par exemple, dans F, c'était celui qui était le maître d'œuvre. Dans votre roman précédent. Voilà, dans F, c'était celui qui était le maître d'œuvre qui avait fait enfermer tout le monde. On a décidé que finalement, il a mis tout le monde en prison, il va connaître le même sort. Donc, cette idée d'interchangeabilité des fonctions et cette idée que l'être humain va disparaître progressivement sous cette folie de la fonctionnalité. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Chesterton définit la folie à partir de la raison, à partir de la logique. Il dit que la folie n'est pas le propre de la... n'est pas la conséquence de l'imagination, mais de l'excès de raison. Hein. Il dit, par exemple, le poète ne demande qu'à avoir la tête dans les nuées, c'est le logicien qui cherche à mettre les nuées dans sa tête, et c'est la tête qui éclate. C'est-à-dire que c'est l'excès, il y a plein de philosophes qui ensuite ont parlé de ça, hein, notamment les philosophes de l'école de Francfort, Adorno, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une dialectique de la raison, c'est la raison qui est folle, c'est la raison qui est la cause de la... Et lui, il revendique le droit de l'imagination. Alors, votre imagination, on la trouve dans F, le premier roman, et puis dans S, le deuxième roman, Louis et Abra. S étant donc, les deux étant publiés chez Rivage, et on a compris que ce S était avec une phrase en exergue de Chesterton, et les auditeurs qui connaissent Chesterton et qui vont lire votre roman comprendront tout ce que vous devez à Chesterton, tout ce que Chesterton a donné aussi à la littérature du XXe siècle. Merci Louis et Abra, donc. Est publié chez Rivage. Eh bien, la nuit spéciale Chesterton se poursuit.